Erosmose, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio. Bonsoir à tous, bonjour à tous, quelle que soit l'heure à laquelle vous venez de vous lever. Soyez les bienvenus, chers petits fripons, sur Osmose Radio. Vous rejoignez l'équipe d'Erosmose, votre programme mensuel consacré à l'érotisme et la sexualité. Et évidemment, je ne suis pas tout seul en studio, ce serait peut-être un petit peu monotone. Je suis accompagné de ma chère collègue Laurence, bonjour. Bonjour, chères petites friponnes et fripons. Honneur aux dames quand tu t'adresses au public, bien entendu. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on a deux invités dans notre studio qui nous accompagneront pendant toute l'émission. En plus de notre cher régisseur Loïc, bien entendu. Si vous regardez Game of Thrones en ce moment, vous avez le régicide hein, sur le petit écran. Eh bien, nous, derrière les manettes, on a le régisseur. Voilà. Et on l'aime bien aussi. Et du coup, on commence alors cette émission avec deux invités dans notre studio qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette émission de printemps, cette émission du 26 avril. Avec tout d'abord Inès. Bonjour. Alors bonjour les amoureux ou les futurs amoureux. Il y a tellement de meufs dans ce studio aujourd'hui que j'en suis tout émoustillé. Ouh là là. Et sur ta gauche, il y a donc Kyriane, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es entré dans le studio, ben, on leur demande comment ils sont entrés dans le cinéma. Ils disent que c'est parce qu'ils connaissent l'ouvreuse et en fait, toi tu es entré dans le studio, dans la radio, parce que tu connais le régisseur en fait. Eh oui, je connaissais le technicien et puis je suis arrivée comme ça. Voilà, et tu nous as rejoint dans le studio aujourd'hui. Voilà, les présentations sont faites. L'équipe d'aujourd'hui pour cette émission de printemps, puisque les thèmes qu'on abordera aujourd'hui, Inès, Maingulip et Laurence et Kyriane, les thèmes qu'on abordera aujourd'hui seront liés au printemps qu'on vit en ce moment, avec des hauts et des bas. Je parle des pollens ou des giboulées de mars, qui s'attardent un petit peu. Ce sera lié au printemps et notamment au thème de Pâques, qui était tout récent, c'était ce week-end. Et justement, pour ouvrir un petit peu le thème, pour aborder le sujet de Pâques, eh bien, je vous propose une chanson d'Olivia Ruiz, tout de suite, La Femme Chocolat. Trop mangé de chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grands métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein-sein, si nu pointu, zédo du deux. Noisettes craquent, tu les manges, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes lèvres entrouvertes pousse un framboisier rouge argenté. J'ai trop mangé de chocolat. Ah, vous aussi, vous avez trop mangé de chocolat. Taillez-moi les hanches à la hache ou à la serpe. C'est peut-être un petit peu violent quand même, mais je me dis quelque part que c'est pas forcément plus violent que dans les paroles de cette chanson d'Olivia Ruiz qu'on écoutait à l'instant. La femme chocolat, c'est pas forcément plus violent que les injonctions de la presse féminine ou des sites spécialisés qui nous enjoignent à faire un régime avant l'été, hein, après tout. Voilà, mais bon, on en a profité une dernière fois en ces périodes de printemps avec les chocolats de Pâques. Pâques, une tradition qui nous tient à cœur, quand bien même on est largement déchristianisé de nos jours. Et une fête d'origine chrétienne, en fait, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit. C'est pas tout à fait vrai, comme on va le voir en cette première partie d'émission. Une fête d'origine chrétienne, une fête même primordiale pour les chrétiens, auxquelles sont rajoutées évidemment toutes les petites offrandes qu'on peut se faire. On pense notamment aux œufs, au chocolat qui trônent sur cette table du studio, notamment aujourd'hui. Par contre, ben, c'est une fête qui a quand même... on sait que le christianisme s'est imposé par une série de syncrétismes religieux il y a à peu près 2000 ans. Et du coup, ben, le christianisme a phagocyté, digéré, absorbé différentes fêtes, de faire des rites, en fait, de fécondité ou des traditions liées à la fertilité depuis bien longtemps. Et nos ancêtres gaulois, nos ancêtres romains, eux, avaient déjà des petites célébrations à ce sujet au moment du printemps. Ils n'ont pas attendu le christianisme. Et pourtant, nous, quand on pense à Pâques, on pense évidemment aux fêtes liées à l'Église, notamment l'Église romaine, et ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, on va voir un petit peu les et origines. Et à la bénédiction papale, hein, quand même. Urbi et Orbi. J'espère que vous avez bien écouté. Urbi et Orbi, donc la ville et le monde, et le monde chrétien, hein, s'entend, parce que les enfoirés païens, allez vous faire voir, vous irez pas au paradis. Mais les œufs, ben, on en mange un petit peu partout, alors que ce soit des œufs de lézard, ou que ce soit des œufs de... On nous a jamais dit que c'était des œufs de poule, hein, après tout. Et, De varan de komodo. Voilà, pourquoi pas. Et ben, il y a des animaux un petit peu plus sexy que le lézard ou la poule, c'est notamment le lapin, dont on va parler du symbole tout à l'heure. Et justement, ben, pour ces toutes ces religions, toutes ces cultures, pardon, qui préexistaient au christianisme tel qu'il s'est imposé depuis un peu plus de 1500 ans, eh bien, il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà et dont il reste des traces dans les cultures occidentales, les cultures européennes, et qui sont liées, donc, disais-je, à des rites de fécondité, des rites parfois de fertilité, donc des choses qui nous intéressent dans Erosmos, puisqu'on est une émission, un programme consacré à l'érotisme et à la sexualité, et du coup, bah, les fêtes de Pâques, sous ce prisme-là, nous intéressent. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, avec tous ces symboles qui étaient antérieurs à l'ère chrétienne, telle qu'on nous l'a imposé, alors moi je parlais des Gaulois, des Romains, parce qu'en France, c'est ce qui nous intéresse de prime abord, mais on a aussi été influencé par des traditions peut-être un peu au-delà, notamment au-delà du Rhin, dont toi, Inès, tu es originaire, puisque tu viens de ces contrées lointaines à l'Est, où on parle des langues bizarres, et notamment la langue de Goethe, dont tu nous parleras tout à l'heure. Et du coup, ben, tu vas pouvoir un petit peu nous parler de tout ça et de l'importance de Pâques dans la tradition germanique, qui est sans doute une des cultures européennes qui fait la part la plus belle, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, Pâques, c'est avec Noël, ou presque plus que Noël, une très très grande et importante fête dans nos traditions. Mmh. D'autant plus qu'elle se situe dans la saison du printemps. Et le printemps est... une période de transition, de réveil après l'hiver. Donc l'hiver qui est plutôt associé à la stérilité et à l'orientation vers l'intérieur, le repos, alors que le printemps est associé au réveil, au renouveau. Nous nous orientons de plus en plus vers l'extérieur et, comme tu l'as mentionné, la fertilité est le sujet du printemps. D'ailleurs, on avait une petite controverse en préparant l'émission hier soir. On se demandait qu'est-ce que la fertilité, qu'est-ce que la fécondité, parce qu'a priori, les termes sont un petit peu synonymes. C'est pas forcément le cas. On en est arrivé à la conclusion, qui était celle du dictionnaire français du 18e, 19e siècle, que la fertilité correspondait à des choses inanimées et la fécondité plutôt à des êtres animés, que ce soit des animaux ou évidemment vous, mesdames, quand vous rentrez dans les statistiques de l'INSEE. Donc, la fertilité, c'est plutôt pour les cultures et la fécondité, bah, pour les animaux. Si on reste sur cette définition aussi. Bon, c'est intéressant parce que moi j'ignorais aussi, j'aurais pas pu donner une définition. C'est bien. Voilà, effectivement, on s'est posé la question hier. Donc, effectivement, c'est la nature qui, tout entière, en fait, elle reprend ses forces, hein, elle se réveille. Les forces du printemps, donc, font pousser et éclore les bourgeons et fleurs. La sève monte. Aussi, les humains vivent, bien sûr, cette saison des amours. Les vêtements deviennent plus légers, nous montrons plus de peau, hein, on s'expose beaucoup plus à la lumière, et bien sûr. Hein. Donc, cette lumière, elle nous fait, comment dire, monter d'autres hormones qui, effectivement, apportent ce sentiment de bourgeonnement, bourgeonnement même chez nous. Et cette saison des amours, en fait, vraiment, tout est tourné vers la reproduction au printemps. Et quand on était ado, d'ailleurs, on bourgeonnait particulièrement au printemps, c'est vrai, avec c'est l'acné. Au printemps de la vie, bien sûr. Bah oui. C'est un grand classique. Ouais, voilà. Donc, cette reprise des forces se retrouve dans la symbolique et de la tradition germanique de Pâques et du printemps. Nous savons, bien sûr, que la tradition chrétienne a intégré ces symboles et ces traditions. Et il y a cette grande, grande fête qui célébrait donc le retour de la lumière vers l'équinoxe du printemps ou de la pleine lune plus tard. On célébrait cette grande fête de printemps. Que ce soit d'ailleurs pour les cultures qui avaient des calendriers lunaires ou solaires finalement, puisque tu viens de parler de la lune et du soleil. Oui. La lumière de la lune, c'est toujours la même, mais la lumière du soleil va croissant pendant ces périodes-là. Mais tous les peuples, quel que soit leur calendrier, s'y retrouvaient finalement. Mm-hmm, tout à fait. Et on le voit plus particulièrement donc dans la mythe, enfin dans l'origine mythique de notre fête de Pâques qu'on appelle Ostern en allemand, Easter en anglais. On dit que revient vers la déesse Ostara ou Ostra ou encore Eostre qui a été mentionnée pour la première fois en 725 par le moine historien d'église anglais Bède le Vénérable. Cette déesse Ostara symbolise donc le renouveau et annonce le printemps. Elle vient de l'Est et elle sort de la mer et elle marche sur la terre et où ses pieds se posent, la terre se verdisse. Son symbole est l'œuf et son animal associé est le lapin, plus particulièrement le lièvre. Et ça, donc, c'est la culture germanique et le terme de Pâques, justement, dans les langues anglo-saxonnes. Et Ostern. Ostern, qui d'une part donc apparemment serait dérivé de ce nom de la déesse Ostara, ou de la direction Osten, qui est l'est en allemand, vers d'où se lève le soleil, bien sûr. Et ce qui est intéressant, dans la tradition chrétienne aussi, on dit que les femmes au pied de la croix de Jésus se tournent vers l'est pour attendre son retour après la résurrection. Donc là aussi, on voit le lien entre les traditions païennes et les traditions chrétiennes qui ensuite ont intégré ces rites et ces traditions. Mais tu vois, là, on arrive à une première nuance entre l'apport des cultures germaniques dont tu nous parles aujourd'hui et l'héritage chrétien tel qu'il s'est imposé à nous par l'Église romaine catholique en France, qui a éclipsé finalement, pas toutes les traditions, mais en tout cas les termes dans le vocabulaire liés à Pâques, puisque nous, en France, on dit Pâques, en Italie, on dit Pasqua, etc. Enfin, pas Charles, rassurez-vous, les fêtes pascales en d'autres termes. Et tout ça nous vient d'un terme hébreu, en fait, alors qu'en Angleterre, on dit Eastern. Donc là, tu viens de nous dire qu'en Allemagne, c'est Ostern. Ostern, oui. Ostern, pardon. Et du coup, il y a cette première nuance de vocabulaire. Et nous, ça nous vient d'un terme hébreu qui vient, en fait, de la Pâque juive, au singulier. Pas Pâque au pluriel, comme dans l'Église chrétienne. C'est le rite, en fait, de célébration de la fuite des Hébreux d'Égypte, qui se célébrait aussi au printemps. Et on appelle ça Pessah ou Pessar. Ça dépend comment vous prononcez. Si vous êtes plutôt Ashkenaz ou Séfarades, je suppose, va savoir. Il y a peut-être plus de Séfarades dans le coin, là, vu notre couleur de cheveux, non? Mais bon, vu le nombre de pieds noirs qui est en dessous aussi. Moi, je crois pas, je ne dis pas, je ne connais pas mon arbre généalogique, donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de juifs dans mon arbre, il y en a probablement. Va savoir. Va savoir. Et toujours est-il que c'est cette fête juive qui a institué au moins le terme qu'on utilise encore aujourd'hui, la Pâque, puisque Pessa, mais finalement en passant dans le latin, ça a donné Pasqua, et puis donc ça a donné toutes les langues romanes. Donc franchement, moi aussi, je pense à Charles Pasqua, c'est beaucoup pas... Inévitablement. C'est pas très sexy pour Erosmos. D'ailleurs, si on se fait censurer, ça nous rappellera par Charles Pasqua aussi, hein, parce qu'on abordait des thèmes un peu olé olé. C'est pas le personnage le plus érotique qui soit, mais bon. Quoi qu'il en soit, merci à tous les Corses qui nous écoutent. C'est pas parce qu'on n'aime pas Charles Pasqua qu'on vous aime pas vous. Et Pessa a donné le terme Pâques en latin. Et donc, quand l'Église romaine s'est instituée, notamment au Concile de Nicée en 325, une fois que la religion chrétienne en tout cas, était devenue religion officielle de l'Empire romain, et bien du coup, on a commencé à fixer la date aussi de tout ça. Et c'est à ce moment-là, je pense que on a fixé la date en fonction de la tradition chrétienne qui correspond à la résurrection de Jésus. Jésus était le premier zombie de l'histoire, on va dire, puisqu'il est mort et il a ressuscité. Et donc, du coup, on fixe ça 40 jours après le Mardi Gras. C'est la durée du carême, tout ça. Enfin, je vous passe un petit peu les détails des rites et du dogme de la religion catholique. Mais l'idée, c'est ça, célébrer la résurrection de Jésus. Donc déjà, on est très loin de la fuite des Hébreux d'Égypte. Et du coup, si on a institué ça à une date fluctuante tout au long du mois d'avril, à mon humble avis, mais là ça n'engage que moi, ça a été pour mieux phagocyter les traditions qui préexistaient justement dans la Gaule romaine. Loïc, mon collègue régisseur, acquiesce. Et c'est vrai qu'on n'a pas réellement de preuves, mais on a quand même énormément de présomptions pour penser que les théologiens de l'époque et les évêques de Rome voulaient un petit peu neutraliser toutes les traditions ancestrales qui existaient avant le christianisme. Et pour ce faire, eh bien, ils ont fixé une date fluctuante au fait de Pâques, justement pour phagocyter tantôt les rites gaulois, tantôt les anciennes rites polythéistes romains, etc., voire même égyptiens, allez savoir, qui existaient. Donc, toutes ces rites liées à la fertilité du Nil, pourquoi pas, ou la fécondité des bêtes, des troupeaux, puisqu'il y avait aussi des pasteurs et pas seulement des agriculteurs. Et donc, une tradition qui a mieux résisté que d'autres à ça, c'est la tradition germanique dont tu nous parles aujourd'hui, Inès. Tout à fait. Et là, je continue effectivement avec une symbolique qui est, comment dire, représenté par l'œuf. Tu parlais tout à l'heure du carême, c'est-à-dire 40 jours avant Pâques. Et juste pour vous décrire un peu les traditions, nous à Pâques, en fait, il y a presque des montagnes d'œufs colorés qui sont préparés et qui sont ensuite sur les tables dans les familles. Et les œufs, on raconte bien sûr aux enfants, ils ne sont pas cachés par les adultes, mais ils sont apportés par les lièvres, par le lièvre de Pâques. Nous retrouvons les deux symboles qui sont associés à Ostara, cette déesse, mais d'une manière particulière, l'œuf est depuis toujours en fait dans l'art la représentation de la fécondité, de l'éternité également. Et dans la religion chrétienne, du renouveau, tout en étant quelque chose de mort, c'est-à-dire la coquille et le tombeau de l'œuf qui est cuit, puisqu'à Pâques, on mange des œufs cuits, à l'intérieur, c'est-à-dire il ne peut plus se transformer en fait en être vivant. Alors, pourquoi les œufs colorés et autant à Pâques ? Alors ça, c'est une tradition très russe et germanique, j'ai l'impression, parce tout que à fait. Même en Grèce, qui est plutôt une culture orientale, on ne fait pas ça à ma connaissance. Non, pourtant, chez nous, c'est vraiment très important. On les colore, on les décore, c'est... Il y a des artisans... Pas aussi des teintures végétales. Tout à fait. Nous avons même apporté des exemples. On utilise notamment là... On a quelques deux œufs sur lesquels on reconnaît en fait des feuilles de trèfle, de pissenlit et de persil. Ouais. C'est-à-dire que on plonge l'œuf cuit, on les cuit d'abord et on applique donc ces herbes sur l'œuf. On l'entoure d'un bas, tout à fait. On ferme le bas très fermement derrière. On voit encore les traces. Et ensuite, on plonge le tout dans une teinture végétale. Ça peut être donc les épluchures d'oignons, tout à fait. L'avocat nouvellement. Je crois que c'est les tanins des pelures d'oignons qui vont colorer l'écorce, enfin la coquille de l'œuf, c'est bien ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Et là où on a appliqué en fait les herbes, la partie reste quasiment blanche en fait, reprend la couleur de l'œuf avant. De sorte que ça fait un pochoir en fait. C'est un pochoir, c'est ouais. Ça, oui, ouais. C'est super beau parce que c'est beaucoup plus joli d'ailleurs. L'impression est vraiment nette, hein, mais c'est chouette. Je ne savais pas du tout comment on faisait ça. Puis ça réunit un peu les deux symboles, comme ça il y a l'herbe et l'œuf de la pièce, du coup l'œuf est tout à fait, et ouais. Et donc en fait, on a vraiment le plaisir pour les yeux, toute la préparation aussi. On fait ça en famille. On a des bacs avec des verres avec plusieurs couleurs. On les plonge et ensuite, on a vraiment une grande courbeille d'œufs sur la table et puis on en mange au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est presque des œuvres d'art. Et d'ailleurs, il y a aussi des œufs qu'on vide de leur contenu. Par deux trous finement appliqués en aspirant ou en fait en poussant, et ensuite on les sèche et vraiment on les décore finement avec de la cire ou on gratte la coquille. Donc ça, c'est des œufs qui sont amenés à rester et qu'on sort tous les ans. Mais pourquoi les œufs colorés ? J'ai appris donc moi-même que pendant la période du carême, on n'avait pas le droit de manger les œufs. Mais les poules continuaient à pondre les œufs. Donc en fait, on les gardait, on les mettait de côté, on les cuisait pour les conserver. Donc on mange des œufs cuits et on les apportait à l'église à Pâques pour les faire bénir. Et pour distinguer donc les œufs cuits des œufs non cuits, on colorait les œufs bénis. Donc, il y a aussi cette habitude, cette tradition qui nous amène aujourd'hui les œufs colorés. Bon, ensuite, il y a une autre technique pour les reconnaître. Mais bon, ça, je vous en parle. Au poids, peut-être. Non, tu fais tourner l'œuf et il tourne. Tu le mets dans un verre d'eau aussi. Oui, et voilà, exactement. Mais donc, voilà, donc il y a cette tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui nous a amené cette tradition des œufs colorés. Comme disait Benoît Pelvord dans un film que j'aime beaucoup, je vais t'apprendre à lester un œuf, tu vas voir, c'est trois fois le poids du corps. Bon, en fait, il lestait des corps humains, pas des œufs, mais bon, c'est pas. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, c'est le lièvre qui nous apporte les œufs. Pourquoi ? Il y a même un livre très très connu pour les enfants, L'école des lièvres, où ils apprennent à peindre les œufs. C'est très mignon. Et c'est le lièvre, en fait, qui est le symbole de fertilité, puisque c'est un des animaux les plus fertiles. Ils peuvent en faire jusqu'à 20 petits dans l'année, et le plus tôt dans l'année, au printemps. Avec la poule, par exemple, c'est des animaux très, très féconds, fertiles. Et voilà, donc c'est le symbole de fertilité. C'est plus rigolo de voir des lapins en train de fertiliser, justement, voilà. Plutôt terreau, que les poules et le coq. Fertilise le terreau, voilà, c'est ça. On remarque, le coq, c'est plus punk, hein, parce qu'il a une crête, tu me diras, mais bon, il faut les coqs. On reste dans le thème, le coq, tout à fait. Gaulois, la poule, alors qui sortent hein, au printemps. Ah oui, le coq gaulois, mais bien vu. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire par rapport à la symbolique qui nous tient très à cœur en fait dans la tradition germanique. Et nous fêtons donc l'arrivée de la lumière aussi. Et un autre rite qu'on a gardé chez nous, dans nos régions, moi je suis de la région du Harz, plutôt dans le nord de l'Allemagne, c'est une petite montagne, et on allume des grands feux de Pâques. C'est-à-dire, c'est des sortes de bûchers, on danse autour. Mais ça se fait encore, ça se fait encore. Et même pour dire, je te rejoins tout à l'heure, on a essayé de casser les anciens rites païens qui se fêtaient donc à l'équinoxe du printemps. On fête encore aujourd'hui la nuit de Walpurgis, qui est mentionné par Goethe dans son œuvre Faust, qui décrit. Et aujourd'hui, dans le Hart, il y a des dizaines de milliers de gens qui se retrouvent dans la nuit du 30 avril au 1er mai et qui, effectivement, sont déguisés, qui fêtent de manière très forte. Alors, c'est quoi, ils fêtent, ils dansent, ils mangent ensemble, ils On allume des grands feux, on danse autour, on crie. On danse lascivement autour. Oh, wow. Il y a même des soirées de sorcières, forcément avec un bûcher, bien sûr, un bûcher allumé, forcément. Et toi, Inès, tu danses lascivement ? Mais oui, je peux. Ouais. Tu as à peine le dos tourné qu'Inès danse. C'est ça qui m'avait plu d'ailleurs. Et donc, dans cette région, on peut visiter toute l'année la place des sorcières, de la danse des sorcières, le Hexentanzplatz à Thale. Redis-nous-le. Parce que moi, j'ai entendu Tanzplatz, mais pas le premier mot. Hexentanzplatz. D'accord. Donc ce sont les sorcières, c'est bien ça ? La place de la danse des sorcières. C'est chouette parce que ça a été, il y a un peu un retour de mode avec ça d'ailleurs, avec le culte de la Wicca où beaucoup de gens qui s'intéressent aux anciens cultes païens ou des sorcières et tout. Et il y a toute une esthétique qui revient avec ça d'ailleurs. Et il y a des gens qui, du coup, qui se remettent à ce genre de choses, qui font des sabbats dans la forêt et tout. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est ça, mais en fait chez nous ça a été vraiment pérennisé et ça a un succès fou depuis, enfin moi je connais pas ça autrement, même pendant l'Allemagne de l'Est, ça a été célébré en fait, alors que C'était une des rares choses qu'ils pouvaient peut-être pratiquer dans l'allégresse, non ? Bah, j'ai jamais senti une entrave de cette fête de Walpurgis et Rappelons que toi Inès, tu as passé ton enfance dans l'ex-RDA, justement. Oui, tout à fait. J'avais 16 ans quand le mur est tombé. La République démocratique d'Allemagne. Oui, tout à fait. Un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Et pourtant, je suis marquée par ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le studio, on t'a donné le micro rouge. Il y a un mur au fond. Il y a un mur. Non, c'est le feu du printemps que je ressens. Et voilà, donc, alors Goethe, tu nous disais justement, avait parlé de cette montagne du Brocken, avait parlé de cette région du Harz, et il avait été influencé, bah lui, je suppose, quand il était petit, par toutes les histoires de sorcières, etc., qui sont encore vivaces dans cette région d'Allemagne, qui correspond peu ou prou à tous les rites de fécondité dont on parlait tout à l'heure en début de cette chronique, et qui ont été peu ou prou récupérés par l'Église, par les fêtes de Pâques, qui correspond à une symbolique différente, mais qui s'est calquée là-dessus. Donc n'en perdons pas de vue, tout de même, ces rites préexistants, qui se manifestent encore dans les cultures et les différentes cultures et différentes traditions. Notamment, tu parlais de... Alors tout à l'heure, on parlait des rites préexistants liés au solstice, à l'équinoxe pardon, de printemps, mais et toute la période qui suit est liée par différentes traditions, et notamment ces fameuses fêtes de Pâques. Alors la Pâque juive, la Pâque orthodoxe telle qu'ils la font en Russie, qui correspond peu ou prou à la même chose, ou bien les fêtes de Pâques avec les cloches qui nous apportent les chocolats aux enfants ici. Vous voulez savoir d'ailleurs pourquoi c'était les cloches dans la tradition plutôt française et latine, qui apportait les chocolats et non pas les lièvres. C'est parce que comme pendant la semaine sainte qui précédait les fêtes de Pâques, les cloches se taisaient, on ne les sonnait pas pour célébrer donc la mort de Jésus, par respect pour la mort de Jésus, bah du coup les enfants demandaient pourquoi on n'entendait pas les cloches. Et les curés disaient aux gamins que en fait c'est parce que les cloches s'étaient envolées vers Rome pour être bénies par le Pâques, et quand elles revenaient, elles apportaient des chocolats. C'est pour ça que quand les cloches le matin de Pâques sonnent, les gamins cherchent des chocolats partout et ces petits cons nous réveillent alors qu'on aimerait faire une grasse mat. Enfin bref, n'est-ce pas, n'est-ce pas Laurence ? Et du coup, j'ai connu ça moi, mais ça y est, c'est fini. Et du coup, voilà, donc ces fêtes de Pâques correspondent peu ou prou, c'était un autre sujet aujourd'hui, à ces traditions liées aux rites de fertilité, de fécondité du printemps, et notamment Walpurgis, qui est associé à la fête des sorcières dans la culture allemande. Absolument. Il y en a toute l'année des fêtes de sorcières, d'ailleurs. Oui. Non, mais on ne parle pas du discours de Macron hier. Hein. Exact inverse de Walpurgis, il y a Samhain qui est d'ailleurs très fêté aussi. Et il y a Yule au solstice. Bah, c'est toujours les solstices, les équinoxes. Excuse-moi, mais tu fais peut-être une confusion, Kyrian, parce que Samhain, c'est vrai que c'est la fête entre la fête des morts en quelque sorte. C'est l'ancien culte celtique. L'ancien Halloween. Peut-être parce que... qu'il a été repris, qui a été repris aussi par la religion chrétienne. Oui. Mais qui est devenu Halloween. La Toussaint, et qui en fait à la base était Samhain, donc la fête celte, qui correspondait donc au début de la saison sombre, parce que chez les Celtes il y avait deux saisons, la saison sombre qui commençait en octobre, et la saison lumineuse qui commençait en avril. Et du coup, Beltane, qui était le 30 avril, correspond à Walpurgis dans la culture allemande, et là par contre, ça a été associé à la fête des sorcières. Et par exemple, t'as raison, les druides célébraient les quatre fêtes du calendrier celtique, notamment Samhain et Beltane, et mais de là à dire qu'il y avait une fête des sorcières dans les sociétés celtiques, j'en suis pas si sûr. Ah non, non, c'est maintenant que ça a été associé aux sorcières. Enfin... Tu penses peut-être au rite, contemporain lié au paganisme, à la Wicca, tout ça ? Ouais, le néo-polythéisme lié au culte de la forêt, donc la région de la Wicca, mais il y en a d'autres d'ailleurs. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ok. Oui, donc juste pour reprendre, en fait, cette nuit de Walpurgis, cette fête, elle représente vraiment le fait de chasser l'hiver. Et ça, on le fait avec beaucoup d'entrain, beaucoup de... on chante, on crie, on consomme des substances illicites et des champignons hallucinogènes. En tout cas, on se met presque en transe et effectivement, et de la bière lassivement, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liqueurs aux herbes aromatiques dans cette région. Donc, dans cette région, je me demande si c'est une région, de tradition. Et du schnapps. Absolument, oui. juste pour, chers auditeurs, pour vous situer, cette région du Harz, disons de l'autre côté à l'ouest, se situe Göttingen, qui a été connue, bien sûr, Göttingen. Par la chanson de Barbara. Göttingen se situe vraiment au contrefort du Harz, alors que ma ville natale se situe, au contrefort nord du Harz. Donc c'est une région pleine de légendes, pleine de nature sauvage. Et qui se réveille au printemps. Notamment, voilà. Et justement, alors tu nous parlais de la culture allemande, un autre aspect, c'est peut-être plus contemporain, c'est les traductions qui ont été plus tard des textes de Goethe. Tu as terminé sur le sujet, je pense. Donc du coup, on va faire une petite pause musicale, chers amis, avec un groupe plus contemporain, lui, de la culture allemande, c'était les Comedian Harmonists, un groupe de swing des années 1930, qui a interprété... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'aime beaucoup que tu situes l'année 1930. T'as raison, c'est plutôt les années 1920, parce qu'à partir des années 1930, ils se sont fait botter le cul par les tenants de l'ordre moral de l'époque. En plus. Voilà, mais on en a toujours aujourd'hui. Hein, ce pourquoi, d'ailleurs, on ne peut pas trop vous parler d'Erosmos sur Facebook, sinon Mark Zuckerberg nous donne un coup de règle sur les doigts, voire sur un autre endroit plus douloureux de mon anatomie. Voilà, et du coup, on ne peut pas trop vous parler d'Erosmos sur Facebook, mais vous êtes là, chers amis, c'est le principal. Et pour écouter ce morceau que tu nous as ramené, Inès, les Comedian Harmonists, un groupe qui est encore très célèbre en Allemagne, et un groupe de swing des années 1920 qui interprétait une chanson gentiment grivoise liée au printemps. Tout de suite, je vous propose d'écouter tout de suite Véronica. Véronica, Véronica, Véronica, der letzte Véronica, der letzte die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Véronica, der Spargel will, ach du Véronica, die Welt ist grün, zum Lass und Sing, die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Mädchen lacht, Jüngling spricht, Fräulein wollen sie oder nicht, draußen ist Frühling. Der Poet Otto Licht hält es jetzt für seine Pflicht, er schreibt dieses Gedicht. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst, ach du Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Welle ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama, Veronika, der Lenz ist Veronika, Veronika, der Spargel wächst. Oh, Veronika, Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der liebe gute alte Großpapa sagt zu der lieben guten alten Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Veronika, der Lenz ist da. Die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Un petit tour dans les chansonnettes des années 1920-1930. On pense au frère Jacques. On pense complètement. Moi, j'ai adoré, hein, vraiment. Je trouve ça frais et pétillant. On pense à Mireille, on pense à tous ces chanteurs de l'époque, et en tout cas en France et en Allemagne. Ils avaient dit Comedian Harmonies, qui avait fait un beau succès à l'époque et qui est encore très populaire dans la culture allemande d'aujourd'hui avec ce titre, Veronika, der Lenz ist da. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Erosmose Radio, chers amis. Vous êtes bien dans Erosmose, votre émission mensuelle consacrée à l'érotisme et à la sexualité. Aujourd'hui, on parle un petit peu dans cette ambiance de printemps, en ce 26 avril, on parle un petit peu de différents sujets liés à ça, notamment on parlait des fêtes de Pâques et des symboles liés à la fertilité, à la fécondité et liés aux fêtes de Pâques. Et c'est Inès qui nous en parlait dans une première partie d'émission. Si vous avez loupé ça, évidemment, je vous renvoie vers les podcasts du site osmose-radio.fr. Le morceau qu'on écoutait tout de suite, Veronika der Lenz ist da, était un titre gentiment parodique qui parlait avec humour du printemps et de tout ce que ça implique. Notamment, der Lenz ist da, ça a une signification particulière, Inès. Oui, je vous traduis en gros la première strophe. Veronika, le printemps est là. Le Lenz est un autre mot pour le printemps, qui veut dire aussi on se prélasse, on se repose, on fait des choses un petit peu olé olé. Die Mädchen singen tralala, les filles chantonnent. Tout le monde entier, en fait, est comme ensorcelé. Véronique, l'asperge pousse. C'est très joli. Magnifique métaphore. C'est très, très joli. Véronique, le monde est verdi. Allez, on va au bois ensemble. Même le grand-papa dit à la grand-maman, Véronique, le printemps est là. Et est-ce que Véronica, en allemand, ça a la même connotation un peu prude que le prénom Véronique en français? Parce que ça vient d'un terme grec qui signifie la vraie victoire, et c'est plutôt des femmes, enfin, dans la culture populaire, je dis pas que c'est vrai, attention, hein, mais des femmes qui sont pas forcément intéressées par les choses, c'est les choses du sexe. Je salue ma collègue Véronique, je te salue. Mais il y a un gros préjugé là-dessus, je dis pas qu'il est vrai, j'en sais rien, mais voilà. Poserai la question, Véronique. Alors en allemand, en fait, il n'y a pas de préjugé qui est lié à ce prénom. Je pense que tout simplement, il rime bien avec ce qui se passe après. Et en français, voilà. Oui, en allemand. Hein. Ils ont choisi Véronique, Nick. Pensé, merci, hein, c'était Sœur Sourire dans les années 1950. Merci de nous le rappeler, j'avais zappé du nom. C'était Dominique, je crois. Pareil, Dominique, Véronique, même combat. Hein. Bah justement, on parlait du dimanche de Pâques. Bah Dominique, justement, c'est le repos dominical un petit peu étendu, ce grand week-end qu'on a connu. Et justement, alors je disais, ouais, il y avait un préjugé lié à ça. Bah du coup, ça aurait pu renforcer l'effet comique. Finalement, ils se sont juste servis de la rime. Mais je tiens quand même à préciser qu'en préparant l'émission hier soir, on a écouté la version française. Parce que dans les années, enfin à l'époque, on enregistrait pour l'exportation, en fait, une version française. Et les Comedian Harmonies chantaient dans un genre un peu en yaourt. Faut reconnaître, ils chantaient en français. Ils ont fait un enregistrement de cette chanson en français qu'on a écouté, et les paroles sont nunuches. C'est vraiment très plan-plan. C'est très doux, et ça reprend absolument pas ce côté grivois qu'on a en allemand, en fait. Hein. C'est vraiment une chanson, je dirais presque érotique, en fait, qui parle vraiment de ce pétillement, le printemps, ouais. Ah, c'est so érotique. C'est comme ça qu'on l'a. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'entend. Moi, je l'ai trouvée extrêmement pétillante. Donc, et même si tu comprends pas les paroles, tu sens bien qu'il y a quelque chose de gay, quoi. C'est une histoire de sève qui monte. Oui. C'est tout. C'est exactement ça. Après, je sais pas si les comédiens harmonistes, cette bande de beaux gosses d'ailleurs, étaient gays, mais ça, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est so érotique, c'est ce que m'avait dit un jour, excusez-moi, je raconte ma vie, c'est ce qu'avait dit un jour en entendant mon accent français quand je parlais allemand avec des amis d'Inès. Elle m'avait toutes regardé avec des yeux ronds, elle m'avait regardé parce que j'étais le français de service, tu vois. Ah, c'est so érotique en parlant de mon accent tout pourri. Et donc, là, j'étais aussi rouge que le micro d'Inès, quoi. Et effectivement, cette amie, elle a même incité son mari qui était présent à côté, s'il ne pouvait pas parler avec un accent français. C'est très joli, pour vraiment. Faire illusion. Et on en parle de choses au pays de la langue de Goethe. Hein. Et Goethe, justement, qui a fait l'objet de traductions, pour l'anecdote, c'est toi qui m'as appris ça, Inès, l'autre jour. C'est Gérard de Nerval qui avait traduit certains de ses poèmes. Alors ça, j'ignorais totalement parce que les mecs n'étaient pas tout à fait contemporains, quoi. Finalement, si, ils étaient contemporains et Gérard de Nerval a notamment traduit cette grande et très importante œuvre Faust de Goethe. Et pour la petite anecdote, il y a même Goethe qui lisait et qui parle le français, a félicité Gérard de Nerval en disant « Oh là là, je suis lasse de lire le Faust en allemand, mais qu'est-ce que c'est frais et pétillant en français, je m'en lasse pas et je le relis avec plaisir. » Ça, c'est fou quand même. Et tiens, justement, un Faust, il est question d'un démon tentateur, et celle qui nous tente de lire un petit peu plus chaque fois qu'elle fait sa chronique, bah, c'est Laurence qui nous ramène un petit peu des textes inconnus, souvent singuliers. Et aujourd'hui, bah, tu nous as parlé d'un autre, quelqu'un qui était contemporain des comédiennes harmonistes, justement. Eh ben, tout à fait. C'était Sacha Guitry. Alors, mais d'abord, je voudrais remercier Inès, parce que j'ai appris quantité de choses. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe de l'autre côté, enfin de l'autre côté, oui, dans ton pays, c'est que les légendes, en tous les cas que les coutumes perdurent, ça me fait plutôt plaisir, moi. Et je trouvais ça très intéressant comme chronique, donc merci beaucoup Inès. Alors, puisqu'on est au printemps, j'ai choisi Sacha Guitry. Vous allez me dire quel est le rapport entre Sacha Guitry et le printemps. Il y en a quand même un, parce qu'il s'était marié avec une femme qui s'appelait Yvonne Printemps. Voilà. Et c'est un petit clin d'œil au théâtreux de mon groupe. Je fais de l'autopromo. On est en représentation les 10 et 11 mai au Théâtre du Rempart. Petit placement de produit. Voilà. Donc, mais enfin, c'est pas pour ça que je vais vous parler. Je vais quand même vous parler de Sacha Guitry. Alors, je vais vous lire, hein, une des anecdotes les plus connues sur Sacha Guitry, parce qu'il en existe 1000 versions, toutes probablement apocryphes, c'est celle-ci. Un jour, le dramaturge et sa femme de l'époque, Yvonne Printemps, se promènent dans un cimetière. Soudain, Sacha dit à sa femme, « Tu sais, un jour on écrira sur ta tombe, Yvonne Guitry, enfin froide. » Et l'intéressé de répondre aussi sec, « Sur la tienne, on mettra... Sacha Guitry, enfin raide. » Yvonne Printemps n'a pas eu le temps de mettre sa menace à exécution puisque le mariage a été dissous quelques années plus tard et que par conséquent, c'est quelqu'un d'autre qui s'est chargé de faire graver la pierre tombale. Sur celle-ci, au cimetière de Montparnasse, on peut lire en tout simple Sacha Guitry, 21 février 1885, 24 juillet 1957. Les troubles de la fonction érectile nourrissent rarement les épitaphes, mais ils peuvent être un joli sujet de théâtre, pour autant que la chose ne soit pas abordée trop frontalement. Guitry avait d'ailleurs songé à en faire une comédie, ainsi que l'affirme Jacques Duportier dans son livre « Sacha Guitry, côté jardin » aux éditions du Seuil, en s'appuyant sur la correspondance du dramaturge. Celle-ci est conservée au département art du spectacle de la BNF, car Guitry gardait un double de chacune des lettres qu'il écrivait. Ainsi donc, le 10 octobre 1913, le jeune dramaturge écrit à son ami Paul Roulier d'Avenel. Je vous raconterai après. Hein. « J'ai eu cette nuit une idée qu'il serait intéressant de développer. C'est un dîner mondain, plutôt guindé. Arrive un couple très en vue dont chacun sait que monsieur n'arrive pas à satisfaire madame. Ces deux-là se chamaillent souvent, si bien tous les convives attendent avec impatience le moment où l'un va agresser l'autre. Cela se produit au dessert. Monsieur, un peu éméché, demande à la cantonade le lance à la cantonade « Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. » Et madame s'écrie « Encore faut-il être capable de le grimper. » À partir de là, commencerait un déballage assez réjouissant où chaque mot aurait un double sens, chaque phrase un double fond, pardon. « Qu'en penses-tu, mon petit vieux ?» Roulier d'Avenel répond « Deux objections. 1. De quoi ces gens vont-ils parler jusqu'au dessert ? 2. Après une telle entrée en matière, le dialogue risque de ne pas rester équivoque très longtemps. » Sacha Guitry. « Tu as raison comme toujours, il faudrait que les hostilités commencent dès le début du repas et que les échanges soient plus allusifs. Par exemple, l'action pourrait se nouer au moment où l'un des dîneurs dirait « Le tango, je me demande pourquoi ça se danse debout. » Suite à quoi madame s'exclamerait « L'horizontalité a beaucoup d'avantages, mon cher, sauf dans le domaine de la physiologie masculine. Est-ce que cela te semble suffisamment équivoque cette fois ?» Je tourne ma page avec un bras. Roulier d'Avenel. Pas vraiment, mais c'est un peu mieux. Le problème toutefois, c'est que cela obligerait le spectateur à faire des exercices de géométrie dans l'espace, et je me demande si ce n'est pas trop lui demander. L'horizontalité évoquée par le dîneur n'est pas celle dont parle madame. On peut même dire qu'elle est perpendiculaire. Par ailleurs, l'horizontalité de monsieur debout, celle à laquelle pense madame, reste une horizontalité si celui-ci se couche sur le flanc. Ça ne change donc rien. Pire, si monsieur se couche sur le dos, son horizontalité devient une verticalité. Du coup, le type qui parle de tango a plutôt raison. Tu me suis ? Guitry, tu as encore raison. Je me complique trop la vie. Faisons plus simple. Dès que la femme entre dans la pièce, elle crie à l'assemblée « Mon mari bande mou !» Et l'autre fait une drôle de tête. « Non, pardon, je plaisante. Au fait, comment vont tes enfants ?» Donc la correspondance en est restée là, du moins celle dont nous disposons aujourd'hui. La pièce n'a jamais été écrite, bien évidemment. 30 ans plus tard, la mécanique subtile de l'érection était encore une occasion de bons mots pour Guitry. En 1942, le dramaturge visite une exposition, Arnaud Beckbrecker à l'Orangerie en compagnie de Jean Cocteau. Il y est présenté un grand rassemblement de bronze héroïque du sculpteur allemand. Guitry se tourne vers Cocteau et lui dit « Si toutes ces statues entraient en érection, on ne pourrait plus circuler. » Voilà, c'est jusqu'au bout, c'est-à-dire avant qu'il ne fût raide mort, la turgescence aura donc été un problème pour Sacha Guitry. Alors maintenant, je vais vous dire que cette anecdote avec Roulier d'Avenel, ces lettres qu'il a écrites à Roulier d'Avenel, elles n'ont jamais existé. C'est une correspondance tout à fait fictive, qu'il a quand même... Ça fait partie d'un livre qu'il a réellement écrit. Roulier d'Avenel est un personnage fictif. Mais il y a bien une correspondance épistolaire de Guitry envers cet ami imaginaire. Et je n'ai pas lu le bouquin. Donc si vous voulez me l'offrir, vous êtes les bienvenus. Parce que j'ai une espèce de grande admiration pour Sacha Guitry, dont j'admirais la verve et l'humour. Puis c'est un personnage truculent quand même, débordant... Un petit peu exagéré, mais c'était un homme de théâtre, un grand homme de théâtre. Donc j'avais très envie de vous raconter cette petite anecdote, sur la fonction érectile de Sacha Guitry. D'autant plus drôle finalement qu'on sait que ce garçon était misogyne, mais dans des limites socialement acceptables, ouais. On va dire. Complètement, mais enfin il a quand même épuisé quelques femmes, hein. Ou alors c'est elle qui en avait marre, qui se sont barrées. On peut voir ça comme ça aussi. Hein. Mais l'anecdote sur le tango est relativement vraie, parce que j'ai déjà entendu dire, je ne sais plus qui est l'auteur, que le tango est l'expression horizontale d'une pensée verticale. L'expression verticale d'une pensée horizontale. Une pensée horizontale. Ouais, ça dépend dans quel sens tu regardes. Quand je suis ivre mort à la milonga et que je suis comme ça sur le plancher, bien peut-être que je vois les choses différemment. Ouais, parce que c'est difficile de danser le tango à ce moment-là. J'en ai profité avant, t'as raison. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait pu faire des spectacles musicaux. Sacha Guitry, d'ailleurs, il avait commencé et il avait trouvé des musiques un petit peu étranges et insolites pour ses spectacles musicaux. D'ailleurs, c'est pour ça que ses contemporains disaient « il bande original ». Voilà. Ami de la poésie. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un qui bandait original aussi, d'ailleurs, c'était qui nous a quittés hier, hélas, et ça m'a vraiment fendu le cœur. C'était Jean-Pierre Marielle, ouais. dont la verve lui aussi, la verve à propos de sa verge souvent, était assez insolite dans le cinéma français et il a incarné avec brio, avec beaucoup de talent, l'ambiance du cinéma des années post-68, avec toute la liberté de ton qui va avec, qui moi m'avait vraiment séduit. Déjà quand j'étais ado, j'adorais des films comme les films de Bertrand Blier avec les valseuses par exemple. La voix de Marielle, quoi. Cette voix, ce timbre, c'est... Tout à fait. Il était capable, alors je sais qu'il joue pas dans les valseuses, mais c'était pour illustrer la liberté de ton de l'époque. Avec Bertrand Blier, il a fait Calmos, et sinon il a joué dans les films de Joël Essaria, là aussi, où il incarnait des machos pathétiques et magnifiques, et il était capable, pour revenir sur ce que tu disais, de dire avec classe des choses d'une grande vulgarité, et c'était énorme. Et du coup, pour rendre hommage à ce grand monsieur, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il faisait genre 1m90, je vous propose d'écouter un petit intermède du film Les Galettes de Pont-Aven. Oh, comme il est bon. On dirait un Courbet, dis donc. Quel génie il faut pour peindre ça. Quand je pense que ce mec, on a peint des milliers, qu'on l'a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul. Oh, un cul de bonne femme. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert. En bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde! Ah, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, creuse-toi bien, là. Ah, ton cul. C'est mon génie. Nom de Dieu de bordel de merde, ton cul, c'est mon génie. J'adore cette réplique. C'est un super film en plus. Hein. Je pensais juste hier soir, la télévision nous a proposé un film avec Jean-Pierre Marielle et Daniel Darieux. Superbe Daniel Darieux, hein, magnifique. C'est pas le meilleur, mais bon. Je ne savais pas qu'il avait tourné avec elle du tout. Eh bien, le film Pièce montée, avec une pléiade d'acteurs un peu connus. Marielle en prêtre et Daniel Darieux en ex-amoureux. Magnifique Daniel Darieux. Enfin, elle était très belle de toute façon. Oui. Hein. Mais ce n'est pas le meilleur film de Marielle. Mais ce n'est pas grave. Et donc, je sais qu'il a fait des choses très différentes. Moi, il m'a beaucoup marqué pour ses rôles justement de macho sublime et ou de couillon pathétique, et des fois les deux à la fois, souvent d'ailleurs, dans des films comme Calmos de Bertrand Blier, Tenue de soirée du même Bertrand Blier, ou bien encore les films de Joël Seria dont je parlais tout à l'heure et dont on vient d'écouter un extrait, Les Galettes de Pont-Aven, qui... Aujourd'hui, des choses comme ça, ne passerait plus, c'est clair. Mais c'est vrai que donc, la façon dont il s'extasie sur un cul, il dit c'est magnifique comme un courbet. Je trouve cette façon de voir les choses. Et c'est vraiment dans le contexte de l'époque en plus. L'après 68, où la France se libéralise à tous les égards, notamment au niveau des mœurs, puisque quelques années plus tard, Valéry Giscard d'Estaing autorisait le cinéma porno dans des limites bien définies, bien entendu. Merci Valéry. quoi qu'il en soit, donc c'était un petit hommage à ce grand acteur qui a fait aussi bien d'autres choses. Il est magnifique aussi dans La Controverse de Valladolid. Oh oui. Où là, Il s'agit pas de reconnaître les femmes comme nos égales, mais les Indiens comme des êtres humains, notamment. Voilà. Et puis dans Le Mari de la coiffeuse, moi je l'aimais beaucoup aussi. Ah, ça faudrait que tu m'en parles parce que je connais pas ce film. Un joli film. Et donc évidemment dans Tous les matins du monde, il est amoureux inconsolable, enfin veuf inconsolable d'une femme superbe à laquelle il repense quand il joue de la viole de gambe. Il y a Loïc qui est mort de rire, fais-nous partager. Non, allez, dis-nous tout. On a parlé de Véronique et de Valérie. Non, il fait peut-être partie des gens qui Je salue ma tante et ma belle-mère, du coup voilà. Bonjour maman, bonjour belle-maman. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent pas ce film Tous les matins du monde, mais la viole de gambe, en plus de la voix de Jean-Pierre Marielle, c'est un son très sensuel dans un cas comme dans l'autre. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de l'émission. On va citer quelques brèves, des trucs rigolos qu'on a lus à droite à gauche dans l'actualité, des actualités d'ailleurs, des choses intéressantes qui vont se passer prochainement parmi les événements locaux, et aussi quelques trucs rigolos que j'ai lus sur les réseaux sociaux. Donc on commence tout de suite avec, puisqu'on parlait de Pâques, il y a Mr Pasternak sur Twitter qui dit que si le chocolat est le substitut du sexe, le sexe avec du chocolat est le substitut de Dieu. Qui as-tu dit ? Quel nom ? Son pseudo, c'est Miss Pasternak. Ouais. Ah oui, comme Boris, comme... Ah, c'était quelque chose ? Le docteur Jivago. Ah ben d'accord, tu es plus culturé que moi. Pasternak. Boris Pasternak, docteur Jivago. D'accord. Ah ben tiens, ça m'intrigue ce que tu dis. En tout cas, son pseudo, c'est Miss Pasternak et ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu ça. Enfin, c'est une fille de Barcelone, donc je vous ai traduit, c'est écrit en espagnol. Mais dans les deux cas, c'est assez drôle quand même. Un autre truc que j'ai lu sur Facebook, alors là, c'est une image, en fait, une photographie d'art, une photographie érotique. On voit une femme allongée sur le carrelage de cuisine. La photo est vue d'en haut. Et en fait, elle a un œuf au plat sur chaque téton et un œuf au plat sur le pubis. Et donc, c'est vraiment très très joli, et puis c'est assez rigolo comme photographie érotique. Voilà, et donc, puisqu'on parlait de Pâques, et là, il y a un couillon dans les commentaires qui a écrit « Oh, je crois que cette dame est en pleine période d'ovulation. » Point, point, point, point. Sinon, voilà, il y en a d'autres. Alors, il y a Jules qui manifestement est chirurgien ou médecin. Jules, sur Twitter, qui nous dit un patient, en discutant lors d'une consultation, un patient m'a dit que l'homosexualité était contre nature. Je lui ai répondu que son pacemaker aussi. Voilà. C'est bien répondu, ça. Voilà, bien envoyé. Et sinon, j'ai lu quelque chose d'un peu méchant, mais puisqu'on parlait de printemps tout à l'heure, et donc des fleurs qui bourgeonnent et des adolescents aussi, eh bien, il y a quelqu'un, Aline, sur Twitter, qui dit « Quand tu caresses le front d'un adolescent les yeux fermés, tu peux lire « Je suis puceau » en braille. » Alors ça, c'est méchant, mais ça m'a bien fait rire. Oh, c'est très méchant. Allez, pour conclure, bah tiens, tu parlais de Sacha Guitry et de toutes les histoires d'infidélité. Ça me fait penser à toutes les histoires d'infidélité ou de mariage à trois qu'il y a dans ces histoires, dans ces pièces de théâtre notamment. Et bien là, justement, il y a Roger sur Twitter qui dit « Oh là là, ma femme, elle est médium !» J'ai emprunté le téléphone d'un collègue pour l'appeler et elle a répondu « Coucou chérie !» Alors, sachant que c'était moi. Voilà. Allez, c'est tout pour... Sinon, parmi les actualités, par contre, j'ai vu un truc qui était vraiment couillon, mais qui partait d'une bonne intention. Pourtant, ça a fait polémique il y a peut-être trois semaines. C'est en Argentine, une société de fabricants de préservatifs qui a mis au point un emballage spécial. Il faut être deux pour l'ouvrir. C'est-à-dire que si tu t'y prends tout seul pour ouvrir la capote, c'est impossible. Il faut deux paires de mains, en fait. Voilà, parce qu'il y a 8 points d'ouverture. Alors du coup, ça devient super compliqué d'ouvrir. Je parle même pas de le mettre. Hein. Je dis simplement d'ouvrir l'étui. L'emballage est garanti stérile, quoi, à 100%. Tu vois, c'est vraiment... Non, mais bon... Il vaut mieux que toi, tu sois aussi, d'ailleurs, parce que... Oui. Et du coup, en fait, l'idée à l'origine de ça, c'était de comment dirais-je, dans un pays où les gens utilisent très peu de préservatifs, c'était aussi un moyen de prévenir les gens, de faire la prévention sur les violences sexuelles. Mais le truc, c'est que c'est contre-productif parce que les gens déjà qui commettent des violences sexuelles vont pas forcément s'intéresser à cette initiative. Et ceux qui achètent des préservatifs en Argentine où c'est pas vraiment un produit de consommation courante, eux, ça va plutôt les gonfler plus qu'autre chose et ils vont renoncer à s'en servir si dans l'affolement qui les agite sur l'oreiller, ils galèrent à ouvrir le sachet, quoi. Franchement, là. Il fallait y penser, ça, vraiment. Par contre, ça peut être peut-être un produit d'exportation très intéressante dans d'autres cultures qui célèbrent la coopération, tu vois, même à deux. Ah ça, oui. Ça peut être envisagé comme sextoy, c'est ce que tu veux dire. Les activités participatives. Oui, c'est ça. Le sexe ludique. La coopération, voilà. Bah écoute, ouais, on peut l'envisager comme un divertissement sensuel et érotique, à l'égal des sextoys notamment. D'ailleurs, tiens, pour en revenir à Pâques, on parlait, si vous allez dans les boutiques érotiques, vous trouverez peut-être des œufs vibrants, hein, si vous tenez à prolonger les hostilités de Pâques un petit peu plus loin. Voilà. Et alors, un truc que je tenais à vous signaler aussi, c'est Arte qui a diffusé à deux occasions pendant le mois d'avril un très très bon film qui s'appelle Bande de filles. Je me permets de signaler, d'apporter ça à votre connaissance parce que le film est disponible en streaming sur le site arte.tv jusqu'au 30 avril. Donc vous avez encore quelques jours pour en profiter. Et j'en parle parce que c'est un film que j'avais beaucoup aimé il y a 5 ans parce que c'est assez rare de voir le point de vue des filles de cité, sur les relations avec les hommes, etc. ou leur place finalement et dans leur quartier et dans la société française. C'est rare d'avoir le point de vue de ces filles-là au cinéma français. En général, les comédies françaises, c'est souvent des bobos parisiens qui ont des petits problèmes à l'arrivée de la quarantaine ou de la cinquantaine. C'est bien aussi, hein, ça peut faire rire quand on aime Édouard Baird, mais sinon, c'est vrai qu'il y a quand même des films plus intéressants à faire, et en tout cas moins convenus. Et du coup, voir des films comme ça qui parlent de cette frange de la population dont on n'entend jamais parler, parler. Donc les filles de cité, les gens de cité déjà, c'est toujours quand on entend parler, c'est souvent avec beaucoup de préjugés, mais les filles de cité, c'est jamais quoi. Donc du coup, il y avait eu un film comme ça que tu m'avais emmené voir, Inès, il y a 2 ans, je crois. Et on ne se souvient plus du titre, mais c'est pas grave. Donc il y a ce film de Céline Sciamma qui avait fait Tomboy justement quelques années avant, un film qui parlait de l'ambiguïté d'une petite fille qui ressemblait à un petit garçon, notamment, et qui avait fait connaître cette cinéaste très originale que je vous invite à découvrir donc sur le site d'arte.tv. Voilà, sinon, du côté des actualités locales, il y a des choses intéressantes dans le contexte du printemps. Et dans le contexte de la chanson qu'on vient d'entendre, il y a demain la fête de l'asperge qui se déroulera au Hall d'Avignon avec des animations culinaires, des déambulations par la confrérie de l'asperge de Mormoiron à 10h. Mormoiron. Je vous dis, ça va me fait effectivement sourire dans ce contexte. Est-ce qu'on peut manger des asperges avec la sauce béchamel? Tout y est, culinaire, asperge, mormoiron. Voilà, c'est pour les plaisirs pour le plaisir. De la bouche. De la bouche, parfaitement. Comme donc voilà, venez découvrir ça. C'est très classe, la confrérie de l'asperge, je ne savais pas que ça existait. Bah non, mais c'est sympa quand même. Et tout le monde est mort de rire ici. Et mais dégustations des commerçants des Halles, donc demain, samedi 27 avril. Nous y serons. Pour déguster. Bien pour, sûr. l'asperge. Bah c'est Casanova. Au plaisir. Voilà. Printanier. C'est Casanova qui parlait, qui dans ses récits à lui, qui parlait de la manière dont il mariait et les plaisirs de la chair et les plaisirs de la bonne chair. Mmh. L'orthographe était simplement un peu différente, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah bah complètement. Sinon, quelque chose qui me tient à cœur, c'est un événement qui s'appelle le Festival du jardinage urbain, puisque de plus en plus, il y a ces tendances qu'on jardine en ville, notamment pour soutenir par exemple les abeilles et ainsi de suite, même pour produire tout simplement en fait de la nourriture en ville. Et donc ça aura lieu du 4 au 5 mai. Vous trouverez toutes les informations sur www.les24h.fr. Et ce qui est très intéressant, c'est que même le flyer que vous pouvez trouver en ville est, comment ils disent, ce tract est ensemencé de graines de fleurs de printemps. Donc, mettez-les en terre et vous aurez des fleurs de printemps pour ensuite aguicher donc, les abeilles et nos yeux et en faire un plaisir qui dure. Voilà super, que... ça c'est vraiment... Ça, c'est une super initiative. Tout à fait. D'ailleurs, il faudrait dire aussi à Madame L de penser davantage au jardin partagé aussi. Cécile L, oui, une maire d'Avignon. Oui. Effectivement, moi, j'habite Berne et là, il y a beaucoup d'initiatives qui se font en ville jusqu'à transformer des parterres de fleurs en jardins collectifs. C'est pas parce qu'on est emmerdé par les pollens pendant ces printemps qu'on est tous allergiques, là, qu'il faudrait que les amoureux au printemps soient les seuls à butiner. On a bien besoin que les abeilles butinent elles aussi tout le reste de l'année. Tout à fait. On peut très bien se bécoter aussi sur ces bancs qui sont en face. Public ou non. Public ou non. Comme disait Georges Brassens. Voilà. Eh bien, voilà, c'est la fin des Rosmos. Cher petit fripon, merci d'être resté avec nous pendant cette émission du 26 avril. On vous retrouve le mois prochain pour la dernière ou l'avant-dernière émission de la saison avec Laurence. Et du coup, merci Inès, merci Kylian. Merci beaucoup Inès, oui. D'être venue nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le studio. Merci et une bonne saison des amours. Et toutes les suivantes, bien sûr aussi. Et comme on parlait de Pâques pendant cette émission de printemps, eh bien je vous propose un extrait de l'album Easter de Patti Smith. Easter, donc il signifie Pâques, comme en anglais, comme on et en parlait Patti tout Smith à l'heure. Comme Patti Smith. Voilà. Et qui interprétait un morceau magnifique qui a très bien vieilli, un morceau à la base écrit par Bruce Springsteen, qui n'osait pas l'interpréter lui-même, qui l'a filé à Patti Smith et qui en a fait une version magistrale, Because the Night, la nuit appartient aux amoureux et on vous souhaite qu'elle vous appartienne à vous tous, chers petits fripons, chers amis. On vous retrouve le mois prochain pour une autre émission, on parlera un petit peu plus en détail d'un aspect que tu avais souligné Inès, c'était les sorcières bien entendu, hein, et on en parlera tout ça dans l'émission du mois de mai. Pour le moment, on vous laisse avec Patti Smith, Because the Night.